بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. J'espère que vous allez bien ainsi que vos familles. On va parler aujourd'hui, inshallah, des bases de l'adoration. Il faut savoir que l'adoration d'Allah est fondée sur 15 bases. Celui qui arrive à appliquer les 15 peut dire que son adoration envers Allah est complète. Il faut savoir que chez l'homme, l'adoration d'Allah devrait être faite par le cœur, la langue et les différents autres membres du corps. Et pour chacun de ces membres, il y a une adoration pardon, qui lui est propre. On va commencer par l'adoration du cœur, inshallah. Les différents actes d'adoration obligatoires du cœur sont la pureté, la confiance, l'amour, la patience, la peur, l'espérance, la conviction, l'intention dans l'adoration et le repentir. On va détailler chacun de ces actes, inshallah. On va commencer donc par la pureté. La pureté, c'est le fait de vouer tous les actes d'adoration à Allah. Allah Ta'ala dit dans le Coran, « Il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah seul, lui vouant un culte exclusif. » Sourate 98, verset 5. D'après ce verset, la pureté est un travail obligatoire qui doit être fourni par le cœur. La confiance en Allah, c'est un acte d'adoration obligatoire qui devrait être fait par le cœur. Allah Ta'ala dit, « Et Moïse dit, « Ô mon peuple, si vous croyez en Allah, placez votre confiance en lui, si vous êtes soumis. » Sourate 10, verset 84. Il y a ensuite l'amour d'Allah, de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de tous ceux qu'ils aiment. C'est un travail d'adoration qui est fait par le cœur aussi. Allah Ta'ala dit, « Certains hommes prennent des associés en dehors d'Allah, ils les aiment comme on aime Allah, mais les croyants sont les plus zélés dans l'amour d'Allah. » Sourate 2, verset 165. Donc Allah dit que si quelqu'un aime quelque chose ou quelqu'un en dehors d'Allah, ou bien autant qu'il aime Allah, c'est un associé dans l'amour. Ce qui fait que l'amour est une adoration qu'il faut vouer exclusivement à Allah et qui est obligatoire. Ensuite vient la peur. C'est aussi un acte d'adoration obligatoire qui devrait être fait par le cœur. Allah Ta'ala dit, c'est le diable qui vous fait peur de ses adhérents, n'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyant. Sourate 3, verset 175. Allah Ta'ala dit aussi, ne craignez donc pas les gens, mais craignez-moi. Sourate 5, verset 44. Il y a ensuite l'intention dans l'adoration. C'est chercher à plaire et à satisfaire Allah. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, les actes seront jugés selon leur intention. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le repentir, c'est revenir vers Allah après avoir commis un péché. Et c'est un travail obligatoire du cœur. Et pour que le repentir soit juste et accepté par Allah, il faut que le cœur remplisse trois conditions. Il faut regretter le péché, il faut s'arrêter dans le présent de commettre ce péché, et il faut décider de ne plus refaire le péché dans l'avenir. Allah Ta'ala dit, et repentez-vous tous à Allah, aux gens qui avaient cru afin que vous réussissiez. Puis il dit, et ceux qui ne se repentent pas à Allah, ceux-là sont les injustes. La patience, d'après les savants, est au nombre de trois. La patience dans l'adoration d'Allah Ta'ala, et la preuve dans le Coran, faites preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir désirant sa face. Sourate 18, verset 28. La patience de ne pas obéir à ses passions et du coup désobéir à Allah. Allah Ta'ala dit, et nous avons désigné parmi eux des dirigeants qui guidaient par notre ordre aussi longtemps qu'ils enduraient et croyaient fermement en nos versets. Sourate 32, verset 24. La patience dans les épreuves d'Allah. Allah Ta'ala dit, et si vous punissez, infligez à l'agresseur une punition égale au tort qu'il vous a fait, et si vous endurez, cela est certes meilleur pour les endurants. Sourate 16, verset 126. On termine par la sincérité. Allah Ta'ala dit, ô vous qui croyez, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Sourate 9, verset 119. Donc, c'est un acte d'adoration obligatoire du cœur, car c'est avec cet acte qu'il y a la différence entre un cœur croyant et un cœur hypocrite. Et Allah nous dit dans le Coran, afin qu'Allah récompense les véridiques pour leur sincérité et châtie s'il veut les hypocrites ou accepte leur repentir, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Sourate 33, verset 24. Maintenant, on va voir les actes du cœur qui sont illicites et blâmables par Allah. Il y a les actes de mécréance tels que le doute, l'hypocrisie et l'association. Enfin, il y a les péchés du cœur. Les grands péchés du cœur sont l'ostentation, l'arrogance, la vanité, la vantardise, le désespoir de la miséricorde d'Allah, la jalousie, le fait de se pavaner, l'ingratitude des bienfaits d'Allah. Ces péchés sont plus blâmés par Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam que l'adultère, l'alcool ainsi que les autres péchés qui sont apparents. Et il faut savoir que le cœur n'est saint qu'en s'éloignant de ses actes et en se repentant à Allah, s'il est tombé dedans. Sinon, le cœur est pourri, et comme tout le monde le sait, si le cœur est corrompu et pourri, c'est tout le cœur qui en devient pourri aussi. Et ces maladies apparaissent quand le cœur s'abstient de faire les actes d'adoration obligatoires. Car si le cœur se vide de ses actes, il se remplit par leur opposé. Et les actes illicites peuvent varier entre les petits péchés, entre les petits péchés et les grands péchés, tout dépend de leur intensité. Voilà, on a terminé, alhamdoulilah. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir, inshallah. Donc la source de tout ce que je viens de vous dire, c'est le livre Madarij as-Salikin, le tome 1, de l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah. N'hésitez pas à partager, barakallahu fikum. Ça permettra de propager le ilm afin que ceux qui ne savaient pas tout cela l'apprennent comme vous l'avez appris. Donc faites partager, barakallahu fikum. Et n'oubliez pas vos frères et sœurs dans vos doigts, surtout pour ce qui se passe dans la Palestine. Et khair, inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Ah oui, et si je me suis trompé aussi quelque part dans la story, n'hésitez pas à venir me le dire, inshallah. Je suis pas parfait, je fais des erreurs. Je suis loin d'être un savant. Ah oui, aussi, je voulais vous dire, je me prends pas pour un savant ou un alim ou quoi que ce soit. Je fais simplement que propager ce qu'ont dit les savants. Je fais pas de fatwa ou quoi que ce soit. Je suis pas là à dire je suis parfait, ouais, je sais ça, toi, tu sais pas ça, nanana, non, je suis pas comme ça. Je fais simplement que propager ce qu'ont dit les savants dans leurs livres. Et khair, inshallah, barakallah fik. Et aussi, quand je vous demande de partager le snap, c'est pas pour avoir des 10 000 vues ou un cas de vues ou quoi que ce soit, non, loin de là. Je cherche pas à avoir des vues, même s'il y a que 2 personnes qui regardent mes stories, voilà, je continuerai à faire le rappel, inshallah, jusqu'à ma mort. Mais je cherche pas les vues, je cherche simplement à propager la religion d'Allah, c'est tout ce que je cherche. Même si je la propage à 2-3%, 2-3 personnes, alhamdoulilah, c'est déjà pas mal. Donc ceux qui veulent partager, ils partagent, barakallahu fihum. C'est Allah qui les récompensera, c'est pas moi. Et ceux qui veulent pas partager, barakallahu fihum d'avoir pris de votre temps, d'avoir regardé la story, voilà.